c'est la fille de la Véranda. C'est du seul TikTok de rentrée. Et les condamnations de ce crochet. C'est pas 18h, l'endroit de garder. Elle est venue tourner en Véranda chasse gardée. Véranda chasse gardée. Véranda chasse gardée. Véranda chasse gardée. La Véranda, comme un ventre fertile, nous accorde de cracher tout notre bile. Quand l'eau s'évapore, des marées salants, un vent hardcore exhale notre talent. 10 mètres carrés de riff, 10 doses de pastis, entend la marée qui siffle, on a tous les lys. Quoi de ce pâton aise, t'approcher en plein de trop, et devant ton sale malaise, nous on prend un bon apéro. Avec des caouettes et des pistaches. Avec des caouettes et des pistaches. Et des pistaches. À l'arrache. Tu es ces mots tripots. Nous on est des glingos. On n'a pas besoin de preuves. Et la Gronda est une pierre. Nous Caro a fait sa file rose. QSM déchire. QSM onze. Nos chansons restent. Vivus d'Ardard. La Véranda. Comme étendard. Rentre dans le trip ou fais-toi éjecter. Tu es cette zap de sa tanière enfumée. La Véranda est prolixe et la Gronda est fertile. On a la potion magique et la rite facile. La Véranda est à nous. Qu'est-ce que tu viens de faire chier? On crache sur Michel Sardou. Son bordel a trouvé la clé. Range tes claques et tes clics. Remets-la dans ton slip. Mais pour qui te prends-tu? Toi qui viens là à rôder tous les trous du cul. Nous on va les faire danser. On a inventé le plastis. On carbure la lisse. On investit dans le matos. On met tout à notre sauce. Guitare sèche à la hache. Guitare métallurgique. Guitare sèche à la hache. Magique. On n'est pas des porno stars. Nous, on est impénétrables. La Véranda est notre studio. Tout comme Mickey et la souris de Pluto. Te voilà, t'es pas invité. La Véranda est notre jardin secret. N'essaie pas de venir en taxi. La Véranda est une vue de l'esprit. Si vraiment tu insistes, laisse-toi guider par le son.